بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. On continue donc avec l'Antichrist ou avec le Messie d'Edjel. Donc on a vu auparavant donc sa description, son descriptif et autres. Et aujourd'hui on verra donc les signes de donc sa venue, les signes qui font que le Messie d'Edjel donc est venu et le temps de sa venue. Donc parmi bien sûr donc les signes, donc parmi les signes, c'est que déjà sur la terre donc il y a peu de science, donc peu de science, donc qui veut dire peu de gens qui pourront le réfuter. Le fait qu'il y aura peu de science sur terre, donc cela signifie que peu de gens pourront donc savoir que c'est Messie Dajjal. Et lorsqu'on parle aussi du moment ou du temps où il va venir, donc c'est une fois que Constantinia donc sera ouverte, lorsque Constantinia donc sera donc ouverte, donc conquise, et on parle de 6 à 7 ans après. On parle donc de 6 à 7 ans après. Et ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on retrouve dans Abu Daoud et autres, où il dit donc Baina al-Malaha yani wa fat al-Madina 66 wa yakhruj al-Masih ad-Dajjal fi as-Sabi'a fi 6 sinin yani fi 6 sinin, donc 6 ans, et dans la 7e année qui se seront coulées, et dans la 7e année donc Messie ad-Dajjal viendra. Messie ad-Dajjal viendra. Ibn Hajar, par rapport à cela, donc il dit que Messie ad-Dajjal donc viendra du côté, comme on l'a vu donc hier, du Sharq, donc de Khurasan, de Al Khurasan, et donc comme on l'a dit, donc ceux qui vont le suivre, qui seront donc de ce village ou de cette ville qui s'appelle Al Yahoudia. Et on a dit aussi combien de temps il va rester, donc 40 nuits. Lorsqu'on a parlé de combien de temps il va rester, donc on parle de 40 nuits. Et on sait que ces nuits-là donc, sont différentes les unes des autres. Ces nuits-là sont différentes les unes des autres. Une comme un an, une comme un mois, une comme une semaine, et les autres donc ka baqiyat al-ayyam ou al-layali. Donc les autres nuits sont comme les autres. Donc ça fait moins de 2 ans. Un an et quelque chose. Donc bien sûr aussi il va venir avec des fitaines. Il va venir donc avec des épreuves. Il aura donc avec lui, donc il possédera 2 rivières donc qui coulent. Et il y aura donc avec l'une des deux de l'eau limpide et l'autre donc un feu qui est attisé. Et dans le hadith rapporté par les mêmes muslims, Hudhayf rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc certes je sais ce qu'il y aura avec Dajjal. Il y aura donc 2 rivières qui découlent, qui coulent. L'une d'entre elles, donc on verra donc l'eau très limpide, et l'autre, donc on verra clairement donc le feu. Donc celui, cela arrive à l'un d'entre vous, donc il aille dans cette rivière qui est donc a priori du feu, qui est donc du feu. Et aussi, donc on a dit aussi qu'il sera très rapide. Il sera donc très rapide, comme le Raith. Donc comme le Raith. Donc comme en vérité, donc cette pluie qui est abondante et qui est en plus poussée par le vent, qui est poussée par le vent. Donc il y aura une grande rapidité. C'est pour ça qu'en si peu de temps, il aura le temps de parcourir toute cette terre. Il aura le temps de parcourir cette terre. Et on sait que nous pourrons entrer donc dans 2 villes. Mecca et Al-Madina. Mecca et Al-Madina. Donc parmi les signes, mais surtout toujours, ce qu'il va permettre, donc il va ordonner à ce que la pluie tombe, la pluie tombera. Il va ordonner à ce que la pluie tombe, la pluie tombera. Il va aussi donc tuer une personne et la ressusciter. Et bien sûr, tout ça, bi'idnillah azza wa jal. Tout ça, donc, bi'idnillah azza wa jal. Comme ça, et comment il va mourir? Donc il va mourir avec par la main de Isa à Ali sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Isa alayhi sallallahu alayhi wa sallam va venir à Damas, au moment où il y a l'Iqama, les gens vont le reconnaître de par sa voix. Certains ulama disent que le fait que les gens à ce moment-là, ceux qui vont suivre le Masih Dajjal seront riches, le fait qu'il va leur donner toutes sortes de richesses, et ceux qui ne le suivent pas seront pauvres. Donc de par leur voix on entend, des gens reconnaissent, donc il y a qui ne mangent pas assez, que sa voix change. Parce que Isa alayhi salam, il n'a pas eu cette épreuve auparavant, parce qu'il descend. Donc ils vont reconnaître la différence, ils vont reconnaître que c'est Isa alayhi salam. Donc Fidimashq, au moment où justement il y aura comme on a dit l'Iqama. Et c'est lui qui va tuer Messah Dajjal. Yartulu yani ibn Maryam Dajjal Bibabi Lud. Yani fi Philistine. Bibabi Lud fi Philistine. Donc c'est Isa alayhi salam qui va tuer Messah Dajjal, comme on a dit fi Philistine. Qu'est-ce qui permet d'être empêché ou d'être protégé de la fitna de Messah Dajjal? Donc la première chose, bien sûr, c'est le fait de s'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on l'a dit hier, du fait que la personne connaisse les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que la personne aussi connaisse les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela. Lorsqu'on dit ici les noms et attributs, on veut dire que le fait que فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ, car Allah n'est pas borgne, Messah Dajjal est borgne et Allah non. Donc déjà parce qu'on sait qu'Allah a des attributs les plus parfaits, donc celui qui sait qu'Allah a des attributs les plus parfaits, donc être borgne, donc c'est un défaut, c'est pas en vérité un attribut parfait. Donc déjà ça, c'est déjà une chose à savoir. Et deuxième chose à savoir aussi, c'est le fait de croire fermement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela. Et c'est pour ça que le meilleur shahid qu'il va avoir, Messah Dajjal, lorsqu'il va le couper en deux, qu'il va le ressusciter, il lui dit qu'il a encore plus de preuves, qu'il a encore plus de yaqin, de certitude que Messah Dajjal n'est pas Allah Azza wa Jal, justement par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici il demande, c'est pour ça que tamassouk bil islam, c'est demandé, et tahqiq l'iman, et après cela ta'wid min al fitnati Messah Dajjal. Et la même chose, le fait de demander à Allah Azza wa Jal protection, je pense que les doigts sont connus chez tout le monde. En fin de prière, fi adbar as-salawat, de demander à Allah Azza wa Jal protection contre quatre. Et parmi les quatre, le fitnati Messah Dajjal. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans le hadith, il y a plusieurs ulama qui disent que c'est une doa qui est obligatoire. C'est une doa qui reste obligatoire. Et parmi eux, Cheikh Nassar Ahmadullah Ali, il dit que c'est une obligation de faire cette doa. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris cela à ses compagnons. La même chose pour le fait d'apprendre par cœur les premiers et les derniers versets de Surat al-Kahf. Les premiers et les derniers versets de Surat al-Kahf, comme il est rapporté dans Muslim. Lorsque, dans le hadith qui est rapporté par Abu Darda, radiallahu anhu, قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال وفي رواية في آخر الكهف. Donc dans deux versions différentes. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend les 10 versets les 10 premiers versets de la sourate al-Kahf sera protégé du Messah Dajjal. Et dans une variante, les 10 derniers versets. Donc, ذلك parmi aussi les signes, الفرار من الدجال, يعني في إسكان مكة والمدينة. Donc le fait de se sauver de Messie Dajjal pour aller habiter à Mecca et pour aller habiter à Médine. Car on sait qu'il ne pourra pas entrer dans Médine ni Mecca. Et on l'a vu qu'à chaque fois qu'ils essayent de rentrer, donc un ange donc dégaine l'épée et l'empêche d'entrer dans la ville. L'empêche d'entrer par, donc, par ses entrées. Donc il y a des gens, on a dit auparavant que parmi les gens, donc Al-Khawarij, ainsi que Al-Mu'tazila, ainsi que Al-Jahmiya, renient. Donc renient, donc, c'est-à-dire Al-Messah Dajjal. Ils ne reconnaissent pas que Messah Dajjal existe. Ou si certains vont reconnaître, ils vont dire que c'est pas un homme. Mais tout simplement c'est une fitna qui va arriver. C'est des épreuves, c'est des choses de la vie, c'est une époque en particulier, une akhiri. Donc bien sûr, ces gens, le fait qu'ils renient, du fait qu'ils renient donc, les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla de façon générale. Ou les noms ou les attributs. Selon en vérité, donc ici les sectes. Al-Jahmiya renie tout. Il renie les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Al-Mu'tazila renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en réponse à Al-Jahmiya. Parce qu'ils sont venus après Al-Jahmiya, ils sont venus justement en réponse à Al-Jahmiya en pensant qu'ils sont dans la Sunna. Et ainsi de suite. Généralement, en justement réaction par rapport à d'autres sectes, c'est souvent comme ça. Donc certains bien sûr donc ont renié donc cela, alors que pourtant il y a bien l'épreuve, il y a bien donc des preuves, parce qu'on dit, on parle bien de, on a bien vu comment il est, il y a bien les caractéristiques, on les a vu hier, les descriptifs, hein, petit, trapu, donc de, le front dégarni, c'est pas, on voit bien qu'on parle d'un homme, on parle pas de quelque chose d'autre, on parle d'un homme. On a cru que c'était Ibn Siyad. On a bien dit qu'il va venir de l'Khurasan, donc on a bien sorti donc, une personne bien particulière qui naît dans un endroit ou bien qui vient d'un certain endroit et l'Akhiri, qui va sortir et qui va faire et l'Akhiri, et qui va. Donc on comprend bien que c'est un homme. Tandis que les gens, le fait qu'ils renient les noms attributs, donc ils sont obligés de renier tout ce qui va donc être lié avec le fait de pouvoir réunir les noms et les attributs. Ils sont obligés, ils ne peuvent plus donc. C'est ce qui les amène à renier énormément de choses en vérité. Tout ce qui découle de ça, le fait de renier les noms d'attributs, découle dans ça donc énormément de choses. Et parmi cela, donc ici. Donc certains disent que c'est en vérité juste un symbole du mal, tout simplement. Un symbole du mal, un symbole du mensonge. Et la khali. Donc bien sûr, donc la réponse à cela, donc c'est les hadiths qui sont authentiques. Et parmi les hadiths, comment on dit ça, personne. Ce sont descriptifs. Aussi la venue de Issa, Issa Tosem, et qu'il va le tuer. Donc c'est pas l'ordinateur, c'est pas la télé, c'est pas ceci, c'est pas cela. Comme certains disent, il y a des choses comme ça, il est bon, la télé a un écran. On va fabriquer une télé avec deux écrans, ça fait quoi? Ça devient deux yeux. Donc si on entre dans leur logique, on pourrait inventer n'importe quoi. On voit que c'est du n'importe quoi dès le départ. Donc ils viennent dire des choses comme ça, pour dire que c'est des... Donc, que c'est des fitaines. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il renie donc, les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou il a khali. Donc on voit qu'en vérité, donc, cela, mais si on n'est pas clair, à partir du moment que les gens ont décidé de défendre le faux, ils ne peuvent que être en contradiction. On a toujours vu que le faux, justement, donc, est toujours en vérité en contradiction. Car l'erreur, Allah donc, a destiné l'erreur à disparaître. À destiner en réalité l'erreur, donc à disparaître. Il n'y a rien dans ce qu'on a vu par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre vers une contradiction par rapport à l'endroit où il va venir, ou par rapport à l'époque où il va venir, parce qu'on sait que ça fait partie des grands signes. Hein, donc, Messah Dajjal, Issa et l'Akhiri. Donc, les grands signes qui existent parmi les signes de la fin du monde. Il est bien écrit aussi entre ses yeux. Kafir. Donc il est bien aussi écrit entre ses yeux kafir. Donc là on parle bien d'une personne. On ne voit pas pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est le plus éloquent, qu'il parle donc d'un langage clair, va utiliser donc le mot, donc ces mots, cette phrase-là, entre les yeux. Si c'était pas un homme, ça ne serait pas entre les yeux. Il n'y aurait pas de. Avec eux, ça devient un islam avec des paraboles. Tout il devient compliqué. Quand on suit leur logique, ça, tout devient en réalité compliqué, on est perdu. C'est pour ça qu'ils s'égarent. C'est pour ça qu'ils vont loin après dans l'égarement. Ils délaissent tout. Et ces gars, donc, de façon, bien sûr, donc, la plus profonde. Et en plus, donc aussi toujours par rapport au Messie, donc le fait qu'il ait écrit déjà donc le KFL, et les actes, pour montrer aussi toujours au croyant, pour que le croyant en vérité ne soit pas en vérité lésé, ou bien ne soit pas en vérité trompé par Masih Dajjal, c'est que les actes, c'est des actes de kufr. Ils ne veulent pas faire du mal. Donc le mal qu'il fait ne peut pas faire partie en vérité. Hein, de, donc justement de quoi de, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette épreuve là on voit que ça n'a rien à voir justement avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait. Et ça c'est une preuve qu'il n'est pas dans la vérité déjà, ses actes en lui-même. C'est pour ça que, et en plus on sait bien que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit que on ne verra pas Allah, hein, jusqu'à ce qu'on meure. Donc ça vraiment le qiyamah, c'est pas encore. Les gens ne verront pas Allah sur cette terre. Donc ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est parmi les signes comme quoi en vérité donc ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et déjà aussi donc le fait qu'il a prétendu qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala, donc déjà il est lui-même donc maudit, il est lui-même en vérité donc maudit, il encore donc il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit bien par rapport à ces négateurs, à le fait de rendre faux donc ces faux messies, donc il dit bien innahu sayakunu min ba'dikum qawmun yakdhibuna bil-rajim wa bid-dajjal wa bish-shafa'a wa bi'adhab al-qabr wa yawmi yukhrajuna min an-nar ba'dama intahasu. Donc ici donc cette parole là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et il est authentique. Donc il dit bien, il y a auprès de vous, ou il y aura après vous, donc des gens qui démentiront la lapidation, le faux messie, l'intercession, le châtiment de la tombe et le fait que des gens sortiront de l'enfer après avoir y été, donc qui ont été après brûlés. Et réel, c'est réel. Il y a des gens qui renient donc Adab al-Qabr. L'Aqlaniyoun, donc parmi eux l'Aqlaniyoun. Ceux qui considèrent que la raison, c'est elle qui prime. C'est pas le texte. S'il y a une contradiction entre le texte, le Coran et la Sunna, et la raison passe avant. Parce que les textes donc, sont assujettis à l'erreur, tandis que la raison, non. Donc ils placent la raison au-dessus du texte. Alors que la Niyoun, de façon générale, donc le Mu'tazila utilise beaucoup donc, justement cela. Donc il entre dans ce qu'on appelle Al-Kalam. Ce ne sont pas des philosophes, ce sont Aqlaniyoun, c'est pas pareil. C'est pas le falasifa, c'est Ahlul Kalam. Donc c'est différent. Et ces gens-là donc usent de la raison. Et ils sont nombreux actuellement, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. Et c'est tous ceux qui prennent justement donc les émissions de télé, la khédérie, qui sont connus, qui font des fétois surtout. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dans énormément de fétois, comme dans le riba ou dans beaucoup de choses, donc beaucoup de facilité parce qu'ils utilisent le aql avant d'utiliser les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de la Sunna. Les textes du Coran et de la Sunna, même si les textes du Coran et de la Sunna montrent, on va dire, le châtiment douloureux de celui qui commettrait l'acte du riba, mais le aql leur dit non, c'est pas grave, parce que c'est pour éduquer les enfants et la khédérie, c'est pour ça, donc on a le droit de faire un péché pour ramener quelque chose qui devient obligatoire. Regardez comment ils jouent, mais en vérité, ils ont utilisé la raison, même s'ils font croire qu'ils utilisent en réalité des règles religieuses d'où soulever. Mais en réalité, c'est la raison qui prime chez eux. Donc voilà, ils renient. Donc on les voit ici renier, donc comme on l'a dit, donc ils démentiront donc la lapidation. Et on est en pleine époque maintenant, les gens, dès qu'ils sont questionnés, ils fuient cette question, cette réponse. Ils fuient la réponse ou bien ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais c'est Dajjal. Il y a des gens qui écrivent chez les Arabes, même si nous, on ne ressent pas parce que le fait que c'est pas. Lorsqu'on parle de l'islam de façon générale, il faut savoir que c'est souvent le monde arabe qui a à voir, dans le sens le monde où les gens parlent arabe. Il y a beaucoup de gens qui passent à la télé ou là qui écrivent des livres ou là qui écrivent dans les journaux, dans les pires, le fait donc qui mettent des doutes sur les gens sur donc la venue de Messah Dajjal. Adab al-Qabr, la même chose, il y a des gens qui ne voient pas, donc c'est juste une mort ikhlas. Adab al-Qabr, donc il y a des gens qui renient aussi cela. Et parmi eux, donc le falasifa, Dahriyoun, yani falasifa, les philosophes, ceux qui disent qu'en réalité, donc Dahriyoun, on va mourir, un point c'est tout. Donc on va juste mourir, on appelle ça Ad-Dahriyun. Et le fait que les gens donc veulent sortir de l'enfer après avoir été brûlés. Donc, Ashabul Wa'id, comme Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Si tu entres dans l'enfer, ce n'est pas pour revenir au paradis. Donc c'est Imma Mu'min, Imma Kafir. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas Mathlan, parce qu'il voit que la foi, c'est un, Al-Iman, la yatajazza. La foi en vérité elle ne se décompose pas. Elle est ou complète ou elle n'existe pas. Elle est ou là ou présente ou absente. Ils ne se disent pas que la foi donc monte et descend. Elle monte par rapport aux bonnes actions, par rapport à ta'a, donc par rapport à l'obéissance, et elle descend, elle diminue par rapport à la désobéissance. Donc chacun va être cela. Alors qu'on sait que à quoi elles sont claires par rapport à justement aux musulmans qui pourraient y goûter, c'est-à-dire ils pourraient demeurer un certain temps en enfer pour y ressortir. Parce que tous ceux qui ont ne serait-ce que l'atome, deux fois. Le poids d'un atome de foi sortira de l'enfer un jour. Et cela renie donc des hadiths, même s'ils sont authentiques, même s'ils sont mutawatara. Et aussi qu'on a vu aussi donc l'intercession. Ils ne voient pas l'intercession toujours. Donc c'est toujours le même. Al-Khawarij al-Akhir, ils ne voient pas l'intercession. L'intercession pour c'est ou l'enfer ou le paradis. Il n'y a pas de shafa'a. Donc automatiquement ils renient d'autres choses, comme al-mizan, la balance. Il n'y a pas aussi c'est ou l'enfer ou le paradis, donc il n'y a pas besoin de balance. C'est clair et net chez eux. Ils voient donc, ils ont beaucoup de choses. Ils renient beaucoup de choses. Donc on les appelle, c'est Al-Khawarij et aussi Al-Mu'tazila. Donc toujours les prodiges donc, du Messie des Jeunes, donc bien sûr ils sont réalité. Donc ici on les appelle prodiges pour ne pas dire miracle. C'est-à-dire si on traduit réellement de l'arabe, parce que dans l'arabe, donc Al-Mu'jiza c'est que pour les envoyer dans l'Azza wa Jal. Et après ils ont Al-Karama, donc c'est pour les personnes, pour les personnes. Et celles qui seront bien sûr donc dénuées de quoi donc d'aide avec les shayatin. Ça c'est dénué d'aide. Les vrais prodiges sont dénués d'aide de shayatin. C'est pas en vérité de la sorcellerie ou autre chose. Donc on a vu déjà donc certains prodiges qui ont donc semé le trouble chez les gens. Ils sont bien sûr réels. Et encore une fois qu'on a dit auparavant que certains les refutent. Ils refutent parce qu'ils disent que c'est pas akli. C'est contraire à ce que les gens connaissent. C'est surnaturel. C'est pour ça que certains trouvent des excuses en disant ça, ils disent que ça. Alors ça ne nous a pas créé, on ne peut pas se permettre de faire ça. Personne ne peut tuer quelqu'un pour le faire ressusciter. Nous qu'elle dit ça, par exemple. Parce qu'ils disent que c'est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa création. Et il est confirmé dans les textes coraniques clairs qu'il n'y a nul changement dans sa loi ni altération. Donc ils prennent les versets qui disent, regardez, rien ne peut changer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou si ces versions confuses et contradictoires ne sont pas valables pour spécifier ces textes clairs ni pour passer à leur rencontre. Vous voyez un petit peu comment ils se défendent, ceux qui refusent. Ceux qui refusent, ils disent ça. Il y a des versets, il y a des versets qui sont clairs et les autres ne sont pas clairs. Mais en réalité, c'est pas comme ça. C'est eux qui disent ça. C'est eux qui utilisent des arguments de cette façon-là, afin en vérité donc, de repousser ça. Donc ils argumentent, bien sûr, en disant ça. Ils essaient donc. Ils argumentent. Et on voit aussi, parce que, comme il dit, donc, ils argumentent au sujet de la contradiction des hadiths du faux Messie en disant que certaines versions, comme nous l'avons vu, donc, mentionnent qu'il a à sa disposition des montagnes de pain, des rivières d'eau et de miel. Et qu'il y a un jardin et un feu, etc. Donc ceci contredit le hadith qui se trouve dans les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, qu'est-ce qui te gêne à son propos? Je répondis, car ils disent qu'il a à sa disposition des montagnes de pain et une rivière d'eau. Et lui de dire, mais il est plus vil pour Allah que cela. Mais il est donc plus vil que Allah pour Allah que cela. Donc malgré qu'il a ça, ce sont des fitnas et c'est rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens ici donc ils se posent la question, c'est toujours par rapport à ça. Est-ce que la majorité des gens donc, pourraient résister à ce trouble immense? Ils donnent la mort et ressuscitent en présence des gens, puis Allah plongerait les serviteurs en enfer car ils ont été troublés par lui. Donc on voit qu'il y a un jugement qui est arclé ici. Est-ce que parce que lui va venir faire une fitna, donc ça veut dire que ceux qui vont suivre, donc ils vont être en enfer à cause de ça? Donc ils ne voient pas ça. Allah, gloire et pureté à lui, est trop indulgent et miséricordieux envers ses serviteurs que pour leur envoyer une telle affliction. Ça c'est toujours donc le raisonnement arclé des personnes. face à laquelle ne peut résister que celui qui a obtenu une part sans limite de fermeté dans la foi et de force et de conviction. Le faux messie et n'importe quel imposteur est trop vil pour Allah et pour l'envoyer contre sa création. Il veut dire que Allah donc est trop noble et l'autre il n'est rien, il est trop vil. Donc c'est pas possible, donc voilà ce qu'ils disent. Te donnant donc de ces âmes dangereuses et destructives, tristes, ébranlant la conviction et la religion dans le cœur de la majorité des gens. Regardez un petit peu comment ils parlent. Donc il faut réfuter à cela, parce que c'est des choubouettes. Les gens ils pourraient dire ça, Allah est miséricordieux, comment ils vont nous envoyer? Vous voyez comment les gens ils amènent des choubouettes. Ne croyez pas que les choubouettes elles sont simples. Si maintenant je dis je ferme le livre, je m'en vais, je ne vous laisse pas de réponse, ça risquerait de gêner en réalité certains d'entre nous, réellement. C'est pour ça qu'il faut, en réalité, donc, si on entendait les choubouettes, il faut les enlever tout de suite. Il faut les enlever par la vérité. Hein? Parce que la vérité, le faux ne sera enlevé que par la vérité qui va venir, en vérité, l'effacer. La vérité efface le faux. Donc il ne faut jamais, en vérité, rester sur des choubouettes. Il faut rechercher donc à enlever ces choubouettes et rechercher où est la vérité. Sinon, c'est comme ça, de façon générale, que les gens s'égarent. L'égarement vient parce que les gens acceptent. Acceptent donc des fois d'écouter n'importe quoi, des choubouettes, et après ils restent dans ces choubouettes, ils n'arrivent pas des fois à les enlever. Choubouette, une fois qu'elle est instaurée dans le cœur, il est très difficile de l'enlever. Donc on l'enlève que par la vérité. Donc la réfutation ici, la réfutation, c'est que les hadiths mentionnant les prodiges du faux messie sont confirmés et authentiques. Donc déjà c'est la première chose. Ils sont réels, ils sont authentiques. Donc ils sont fiables. Hein. Il n'est pas permis de les rejeter ou de les interpréter suite donc, aux équivoques qui ont été cités. Il n'y a nulle contradiction entre eux. Donc à partir du moment que c'est des dalil, adilla yani sahiha, on ne peut pas en vérité donc, les réfuter. Ce sur quoi c'est basé donc, sur certains. À savoir que le hadith n'est donc le mourir là, se trouvant dans les deux sahih, donc al-Bukhari et Muslim. Contredisent le hadith du faux messie, on y répondra en disant que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est plus vil pour Allah que cela. Donc comme si que ça veut dire que le fait qu'il est tellement vil qu'Allah ne veut pas ne l'a pas envoyé. Il dit toujours avec le hadith qui est ici, c'est eux qui font l'interprétation. On ne voit pas dans cette phrase-là, en réalité, le fait de dire qu'il n'est pas vu, il n'existe pas. Mais c'est eux qui ont pris cette parole-là. Regardez, ils ont effacé des hadiths qui sont authentiques et qui sont clairs et qui racontent des histoires, qui disent comment il est l'akhiri. C'est détaillé, qui est général, qui est ambigu, on pourrait donc prêter à l'interprétation de cette phrase énormément de choses. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire donc un hukm shar'i sur juste cette phrase et effacent en vérité ce qui est authentique. Parce que justement, donc ils ont quoi? Firqlubim zeir. Ils ont justement donc la maladie dans leur cœur afin d'effacer ce qui est clair et net par rapport à ce qui est vil. Ça c'est une phrase qui ne montre pas que Messahadija n'existe pas. Et pourtant ils l'utilisent. C'est pour montrer, de façon générale, les gens de la Bida utilisent toujours ces méthodes-là. Car l'islam est venu donc avec clairvoyance. Et le fait que l'islam est venu avec clairvoyance, les preuves sont là, sont nombreuses, sont authentiques, sont conformes, donc ne sont pas en contradiction les uns envers les autres, et pourtant eux ils viennent avec une phrase. Et avec cette phrase-là, ils interprètent. Donc ils font énormément de choses avec. Donc ici, donc, on y répondra en disant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, il n'est plus vil pour Allah que cela, signifie trop vil pour que ce qu'il provient au fond messie comme prodige égare les croyants et je le doute, hein, et jette le doute dans le cœur. C'est ça que ça veut dire. Il est trop vil pour le vrai croyant. Voilà en vérité la parmi donc, les explications ici. Donc c'est il est trop vil pour jeter le doute dans le cœur de celui qui a en vérité une foi raffermie, de celui qui croit en Allah et en son envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, c'est pour donner donc plus de foi à ceux qui ont cru et que doutent ceux qui ont dans le cœur donc est malade. Donc cela est semblable au propos que formulera donc celui qui tuera le faux messie. Je n'ai jamais été plus clairvoyant à ton sujet qu'aujourd'hui. Il y a une lettre ça du shahid qui montre que lui, donc il dit cela. Donc là, c'est un imtihan tout simplement. Celui qui a la foi, donc ça va augmenter sa foi par rapport à ça, donc il va rester. Celui qui sera douteux, donc il va en vérité. Ainsi, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit il est plus vil pour Allah que cela, ne signifie pas qu'il n'aura aucun de ses pouvoirs, mais qu'il est trop vil pour que ce soit, et que ce soit de cela, donc ne constitue une preuve de sa véracité. Surtout, il y a un signe apparent indiquant son mensonge et son incroyance que tout musulman lira. Alphabet ou analphabète. Donc c'est en plus donc des manifestations de son mensonge et de ses défauts, comme nous l'avons vu donc auparavant dans la description. Si nous acceptons de dire que le hadith donc est à prendre dans son sens apparent, alors que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet ont été dits avant qu'il n'ait reçu la révélation concernant ses prodiges. La preuve est que Al-Mughira dit au prophète, ils disent qu'il a à sa disposition, et il n'a pas dit, tu as dit ceci et cela à son sujet. Par la suite, donc, la révélation est descendue pour montrer les prodiges et signes qui seront à la disposition du faux messie. Donc, nulle contradiction entre le hadith de Mughira et le hadith du faux messie. Donc, les prodiges toujours donc, du faux messie sont réels. Ce ne sont ni des illusions, ni des tromperies. Ces prodiges sont des faits qu'Allah Azzawajal lui a accordés afin de troubler et d'éprouver les serviteurs. En outre, il n'est pas possible de comparer le faux messie au prophète, car il n'est pas mentionné qu'il prétendra à la prophétie lorsque les prodiges se manifesteront. Ceux-ci apparaîtront lorsqu'il prétendra à la seigneurie. Donc ça, c'est, on trouve ça dans Fath al-Bari. Donc le fait... Donc ici, donc, le faux messie donc, va se manifester 40 jours, sauf à la Mecque et à Médine. Donc... parce que ici c'est un Rachid al-Reza, donc Rachid al-Reza c'est un contemporain, un truc qui met moins d'un siècle, donc c'est un Rod par rapport à lui, parce que lui il a renié cela. Donc ici aussi les prodiges accordés au faux messie donc, ne contredisent en rien les lois universelles, parce que toujours c'est celle, ceci, cela. Si nous prenions les propos de Rachid al-Reza à la lettre, nous devrions rejeter les miracles des prophètes, car ils contredisent les lois universelles d'Allah. Hein? Ce qui se dit pour les miracles des prophètes, à savoir qu'ils ne contredisent en rien les lois d'Allah, se dit aussi pour les prodiges à la disposition du faux messie pour troubler, tester et éprouver. Parce que c'est vrai que si on renierait enfin, ceux du Messie Dajjal, bon, on pourrait renier d'autres prodiges et Minbeb Aoula, donc je veux dire, on commencerait par les miracles enfin, des envoyés d'Allah Azzawajal. Donc si on entre dans ce domaine-là, on continue avec tout le reste. Donc à ce moment-là, ils vont écarter même les miracles qui sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous concédons que les prodiges du faux messie contredisent les lois universelles d'Allah, nous disons tout de même qu'à l'époque du faux messie, les habitudes seront altérées. Des événements graves se produiront annonçant la destruction du monde, la disparition de l'univers et la proximité de l'heure. Si sa manifestation durant une époque de trouble est une chose qu'Allah a voulu, on ne doit pas dire qu'Allah est trop indulgent envers ses serviteurs pour que les troubler par ses prodiges. Alors qu'on sait justement dans une période où il y aura tous les grands signes. Et après, c'est la fin du monde, après Khlas. Donc, dans ces cas-là, l'indulgence, elle serait même pour le reste des choses. Il est indulgent, donc il est l'indulgent, le parfaitement informé, mais sa sagesse veut que le serviteur soit éprouvé par cela. Il les a avertis et mis en garde contre cela. Après cela, je crois qu'il convient ici de mentionner une partie des propos des grands savants quant à l'affirmation des prodiges du faux messie, qu'il s'agit de faits réels dont Allah a fait une épreuve et un test pour ses serviteurs. Donc la personne, elle reste avec ça. Comme quoi, c'est bien sûr donc, une fitna. C'est une fitna. Donc, Qadi Iyad, rahimallah, donc dit bien que ces hadiths cités par muslims et d'autres concernant le faux messie sont une preuve de la vie des gens de la vérité quant à la confirmation de son existence. Qu'il s'agit d'un homme réel par lequel Allah Azzawajal troublera ses serviteurs, à qui il a donné des choses qui sont du pouvoir d'Allah, telles que ressusciter un mort qu'il tue, faire pousser la végétation et rendre la terre stérile, son jardin et son feu, ses deux rivières, le fait que les trésors de la terre le suivront, commander au ciel de pleuvoir et à la terre de faire pousser sa végétation. Tout ceci se produira grâce à la puissance d'Allah et sa volonté. Par la suite, Allah Azzawajal le rendra incapable. Il ne pourra pas tuer cet homme ni un autre. Son affaire sera anéantie et Issa le tuera. Allah Azzawajal donc affermira ceux qui ont cru. Affermira donc ceux qui ont cru. Voilà donc de façon générale son histoire. Et comme l'a dit donc l'imam Nawawi, et on l'a vu hier, que déjà s'il était donc. Si en vérité ce qu'il faisait c'était par sa permission à lui, mais pas par la permission d'Allah, déjà, il aurait commencé déjà par se soigner. Car il est borgne. Il a commencé par être donc à avoir donc deux yeux de façon normale. Donc telle est la vie des gens de la Sunna et de l'ensemble des savants, du hadith, des juristes et des analystes, contrairement à ceux qui l'ont réfuté et démenti parmi Al-Khawarij, Al-Jahmiya et certains Mu'tazila, et d'autres au niveau de la réalité de son existence. Parce qu'il y avait un qui s'appelait Al-Bukhari parmi les Mu'tazila qui reconnaissait. Ce n'est pas tous les Mu'tazila qui ont renié donc Moussa Dajjal. Il prétendra des choses imaginaires et illusoires qui n'ont aucune réalité. Il prétend que si cela était réel, on n'accorderait donc plus aucun récit au miracle des prophètes. Regardez comment il dit. Donc là, ça ne sert plus à rien de dire que c'est des miracles chez les prophètes. Donc là, on fait bien la différence entre un miracle et déjà un prodige. Et là, on sait bien donc ce que c'est. C'est une erreur de leur part à tous. La prophétie, en sorte que les choses à sa disposition prouveraient sa véracité. Donc c'est pas les prophètes, donc c'est pas pareil. Ils ont eu les signes, c'est pour les aider. C'est une preuve de la vérité des prophètes, les signes, les miracles. Tandis que là, c'est pas ça. C'est pas par rapport à la prophétie. En fait, il prétendra à la divinité alors que sa prétention même le dément. Ainsi que les signes de défaut physique, son incapacité à dissiper la cécité de ses yeux et le signe de son incroyance inscrit entre ses yeux. Il ne peut pas enlever ça. Vu ses preuves et d'autres, ne sont trompés que les gens égarés afin de combler leurs besoins et leur pauvreté. Donc leurs besoins et leur pauvreté. Du fait qu'il va leur donner la richesse. Donc c'est simple. Donc on voit bien que nous, déjà, on n'arrive pas à décoller d'ici, ne serait-ce que parce qu'on se fait aider. On ne décolle pas dans les pays musulmans de façon générale parce que les pays musulmans, ils sont, on va dire, entre guillemets, plus pauvres. Alors imaginez-vous, mais c'est déjà qu'il va donner la richesse à des gens. Comment les gens vont en vérité se décoller de la fitna du mal. Et c'est pour ça qu'on a dit que les croyants seront pauvres. Il n'y a rien pour eux. Il n'y a plus grand chose pour eux, jusqu'à ce qu'on voit que lorsqu'ils crient, on voit, lorsqu'il y avait ce bruit, on voit. C'est pour ça qu'ils reconnaissent, ils font la différence entre le son de Issa, qui va être dégagé par Issa, à Damas, et leur son à eux. Ils vont reconnaître que ce n'est pas quelqu'un qui vit avec eux, et ils vont comprendre que c'est Issa. Donc vous voyez déjà en vérité, les gens s'accrochent. Parmi les choses que les gens vont suivre, Moussa Dajjal, c'est justement donc cette richesse, la course donc vers la richesse. Espérant juste qu'il nous faut donc ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim ou faisant semblant ou par peur de son mal, car c'est un grand trouble, ébranlant la maison et donc les secours. Aussi des gens qui vont aller vers lui, rien qu'en espérant de ne pas subir son mal, en espérant qu'ils vont résister à sa fitna en y allant. En vérité, ils vont tomber dans le piège de la fitna. Une fois qu'ils y sont, ça y est. En plus de la rapidité de son passage sur terre. Et on a dit auparavant que, les ulama aussi ont parlé par rapport à cela, que la rapidité, ça ne permet pas à la personne à réfléchir. Il vient vite dans tel endroit. Donc on n'a pas le temps de déceler ses défauts. On accepte et on suit. On n'a pas le temps de méditer sur sa situation. Il ne restera pas assez longtemps pour que les faibles d'esprit, donc justement il en parle, réfléchir sur son cas et les signes de ses défauts. Dans cette situation, donc, le croiront ceux qui le croiront. C'est pourquoi les prophètes ont tous mis en garde contre son trouble et ont indiqué donc ses défauts et les preuves de son mensonge. D'où l'importance, en vérité, de connaître ça. Parce que les premiers ont parlé. Pourtant, il y a un temps espacé. Si Nuh a commencé à déjà parler de lui. Il a parlé de lui, Nuh. Imaginez-vous que Nuh a parlé de lui, alors que pourtant il vient donc à la fin des temps. Quant à ceux qui réussiront, ils ne seront pas trompés et ne seront pas leurrés par ce qu'ils possèdent. Vu que ce que nous avons cité comme signe de son mensonge, en plus de leur connaissance antérieure de son cas, c'est pour cela qu'il leur dira donc celui qui tuera puis ressuscitera, je n'ai donc que plus de certitude à ton sujet. Donc il avait déjà l'asl, l'yaqin, il avait l'ilm, d'où l'importance du ilm, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'ilm dans ce domaine-là, il avait de la science, et ça n'a fait qu'augmenter sa science, parce que maintenant c'est la mise en pratique, ici. Au début, donc c'est là, c'est les textes, et quand il fallait mettre en pratique, il a mis en pratique ce qu'il connaissait. Peut-être que l'ignorant de ce sujet-là, comment on veut qu'il soit protégé, puisqu'il est ignorant. Il est ignorant parce qu'il ne veut pas prendre les noms et attributs d'Allah. Il est ignorant parce qu'il ne lit pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'écoute pas. Donc il va faire comment lui pour se retrouver donc là. Ibn Kathir dit, rahmallah, Allah éprouvera les serviteurs par le faux messie avec des prodiges visibles qu'il lui accordera à son époque. comme nous avons vu, qu'il ordonnera au ciel de pleuvoir, et il pleuvra donc sur ceux qui lui obéiront, à la terre de faire pousser sa végétation, de laquelle mangeront leurs bêtes et eux-mêmes, grâce à quoi leurs bestiaux reviendront plus gras. Ceux qui désobéiront et refuseront sa proposition seront atteints par la sécheresse. Ainsi, l'aridité, la diminution, la mort des bêtes, la diminution des biens, des personnes et des fruits. Donc, vous voyez un peu les fitaines, c'est donc une pauvreté. Et on voit, si on prend un exemple, on va pas dire qu'on fait une analogie, mais le fait de prendre l'exemple, les endroits où il n'y a pas d'eau en Afrique et l'Aridie, comment les gens vivent quand il n'y a rien? Imaginez-vous un peu dans un pays aride où rien ne pousse. Regardez comment les gens vivent. Donc déjà, on a une petite idée par rapport à ça. Donc la mort des bêtes, la diminution des biens, personne des fruits. Les trésors le suivront tel un essaim d'abeille. Il tuera ce jeune, puis le ressuscitera. Tout ceci n'est pas illusoire, mais bien réel. Chose par laquelle Allah testera ses adorateurs à la fin des temps. De nombreux seront égarés et de nombreux seront guidés. Ceux qui doutent mécroiront, et ceux qui croient verront leur foi s'accroître. Donc c'est toujours dans un nihaya. Ibn Hajar rahmallah dit, concernant le faux messie, il y a pour celui qui raisonne une preuve évidente de son mensonge, puisqu'il est constitué de parties unies et que l'on voit clairement qu'il est façonné et qu'il est borgne des yeux. Aussi, lorsqu'il prétendra aux gens qu'il est leur seigneur, au moins la personne raisonnable qui le verra sera qu'il ne pourrait créer autre chose, la façonner et la parfaire, alors qu'il n'est même pas capable de se dissiper son propre défaut. Celui-ci doit au moins dire, toi qui prétends être le créateur des cieux et de la terre, façonne-toi, parfais ton apparence et dissipe ce défaut. Si tu prétends que rien ne peut atteindre le Seigneur, donc fais partir ce qui est inscrit entre tes yeux. Donc kafara, les trois lettres, el kaf, el fa et ra. Donc c'est dans le fait. Et Ibn al-Arabi, donc Abu Bakr Ibn al-Arabi, rahmallah, donc c'est un malikite, et c'est parmi les grands savants, donc le malikite, donc lui dit, et c'est pas Ibn al-Arabi, c'est Ibn al-Arabi, donc les signes qui proviendront du faux messie, comme le fait de faire pleuvoir et de faire pousser la végétation pour ceux qui le croient, et d'apporter la sécheresse à ceux qui le démentent, le fait que les trésors de la terre le suivent, c'est pas, donc il n'y a déjà pas d'effort à faire, c'est les trésors qui viennent à lui. Donc le suivent, le jardin, les feux et les rivières coulantes à sa disposition, tout cela est une épreuve de la part d'Allah, et un test afin que périsse celui qui doute et soit sauvé celui qui est certain. Tout ceci est une chose horrifiante. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit la fitnata a'zamu min fitnati ad-dajjal. Donc il dit nul trouble plus grand que le trouble du faux messie. Il n'y a pas quelque chose de pire que ça. Il n'y a pas donc le fitna qui est pire que ça. Donc on revient à ça à Fath al-Bari. Donc aussi les protections. Donc les protections contre le Messie al-Dajjal, on en a parlé auparavant, toujours donc le fait de se rattacher à l'islam, de demander protection donc contre le Messie al-Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabri wa a'udhu bika min al-Dajjal. Parmi donc les doigts qu'on a dit donc fait atbar al-salawat en fin de prière. Donc c'est Saad, donc le Mus'ab ibn Saad Ibn Abi Waqqas radiallahu anhu rapporte, Saad ordonnait cinq choses et il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il les ordonnait et je cherche protection auprès de toi contre l'épreuve de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire Messie al-Dajjal. Donc si on comprend que s'il mentionne l'épreuve, on ne sait pas de quelle, le fait qu'on ne sait pas de laquelle il s'agit, donc ici on voit que c'est Messie al-Dajjal parce que c'est la plus importante. L'épreuve, ils l'ont appelée l'épreuve car elle passe avant les autres. Désigner le faux messie en donnant le nom de vie d'ici-bas souligne le fait que l'épreuve du faux messie donc, est la plus grande épreuve qu'il y aura sur la terre. Et ça, c'est toujours donc, l'explication donc, dans le Bukhari, dans le Fath, donc Ibn Hajar. Donc voyez un petit peu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi Ida tashahada ahadukum falyasta'id billah min arbi yaqul. Donc ici, donc, il voit celui, si l'un d'entre vous donc, fait le tashahud, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre quatre choses, en disant Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Donc oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la géhenne, de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve du faux messie. Donc on voit ici min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Donc Taous, rahmatullah, donc ordonna à son fils de recommencer sa prière s'il ne disait pas cette invocation durant la prière. Et c'est rapporté par les mêmes musulmans. Taous, regardez, ordonne son fils de recommencer la prière parce qu'il n'a pas laissé dedans. Hein? Cela prouve l'assiduité des anciens, des salafs, à enseigner à leurs enfants cette invocation sublime. Et comme on l'a dit, donc certains ulama l'ont rendu obligatoire dans la prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Safarin dit donc il incombe à tout savant de propager les hadiths du faux messie aux enfants. Donc c'est quelque chose qui doit être enseigné aux femmes et aux hommes. Et il est rapporté que parmi les signes annonciateurs de sa venue figure le fait d'oublier de parler de lui sur les chairs, c'est-à-dire dans les assises. Donc c'est-à-dire que moins les gens en parleront, plus l'heure va venir. Parmi les signes de l'heure, donc c'est que les gens en parleront moins possible, en parleront le moins. Il rajoute donc surtout à notre époque durant laquelle les troubles se sont propagés, les malheurs multipliés, les enseignements de la sunna ont dépéri, les pratiques prophétiques devenues des innovations et les innovations de législation à suivre. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le très haut, le sublime. Imaginez-vous un peu comment déjà, donc, Salaf, déjà comment il parlait de ça. Et pourtant, ils disaient bien qu'à leur époque, les bid'a, donc c'était elle qui était propagée. Alors, que dire de nous à cette époque? Étudiez des versets de la Sourate al-Kahf, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de réciter le début de la Sourate al-Kahf en présence du faux messie. Dans d'autres versions, il est question de la fin. Ainsi, il faut réciter les 10 premiers versets ou les 10 derniers. Et dans un long hadith de Nawas ibn Sam'an, on retrouve donc Faman adraka'u minkum falyaqra alayhi fawatiha Sourate al-Kahf. Donc celui donc parmi vous qui le rencontre lise en sa présence les premiers versets de la sourate. Et Abu Darda rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. Hadith qu'on a vu auparavant aussi. Donc le premier hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et celui-ci aussi. Donc Shu'ba dit de la fin de Kahf. Et Hammam dit du début de l'Kahf, rapporté toujours par le même Muslim. Nawawi dit la raison en cela est les prodiges et les signes évoqués à son début. Celui qui les médite ne sera ainsi pas troublé par le faux messie. Et le même de dire pour la fin, ceux qui n'ont pas cru, et donc qu'ont-ils qu'on pouvoir prendre, donc par rapport à les versets, ce que comprend ces versets, donc comme il dit, donc comprend justement donc le fait de parler des prodiges. Donc sur la Sourate al-Kahf, on sait de quoi on parle. C'est justement donc parmi les grands signes. Hein? Ne crois-tu pas, Mohammed, que les gens du Kahf et du Raqim, donc le Kahf, la caverne et Raqim, on dit que c'était aussi donc l'endroit où une rivière qui est à côté, ou bien le Marqoum, dans le sens qu'ils ont écrit sur cette caverne, ils ont mis des tablettes. Donc Kanu min ayatina ajaba faisait partie de nos signes donc étonnants. Lorsqu'on entre dans le Qissa de Sourate al-Kahf. Donc c'est l'une des spécificités de la Sourate al-Kahf. Il y a des hadiths qui encouragent à la réciter, surtout le jour du vendredi. Abu Sa'd al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit Inna min qara'a Sourate al-Kahf yawm al-jum'ati adha'a lahu min an-nuri ma bayna jum'atayn. Ici rapporté par al-Hakim et authentifié par al-Albani. Rahmallah. On sait que certains ne l'ont pas authentifié. Donc il y a, par rapport à l'authentification de ce hadith, donc des paroles. Donc par rapport à cela, donc celui qui récite la Sourate al-Kahf le jour du vendredi, cela lui procurera une lumière entre les deux vendredis. Et il ne faut aucun doute que la Sourate al-Kahf est d'une grande valeur. Elle contient des versets ahurissants, tels le récit des gens de l'Kahf, le récit de Moussa et de l'Khadir, le récit de Dhul-Qurnayn et sa construction et l'immense remblée emprisonnant Ya'juj et Ma'juj, l'affirmation de la résurrection, du rassemblement et du soufflement dans la trompe, la preuve de la perte de ceux qui se croient sur le droit chemin alors qu'ils sont dans l'égarement et l'aveuglement. Il incombe à chaque musulman de veiller à réciter cette sourate, de l'étudier et de la répéter, surtout durant les meilleurs des jours, donc le jour du vendredi. Donc fuir le faux messie, ça, sur la Tulkaf, en vérité, il y a, alhamdoulilah, énormément de fawa'id. Il suffit de rentrer dans le tafsir d'Ibn Kathir ou autre, ou bien ceux qui ont fait, parmi les savants qui ont donné, expliqué un peu ce qu'il y a dans cette sourate, ils retrouvent des choses qui sont en vérité ajiba jiddan. Et donc des choses qui sont étonnantes. Fuir le faux messie donc et s'éloigner de lui, le meilleur étant d'habiter la Mecque ou Médine. Nous avons vu que le faux messie n'entrera pas dans ces deux lieux sacrés. Il convient donc aux musulmans, lorsque le faux messie se manifestera, de s'éloigner de lui à cause des équivoques et des faits extraordinaires manifestes dont il dispose et qu'Allah lui a donné, donc afin d'éprouver les gens. C'est ainsi qu'un homme, pensant être croyant et affermi, se présentera au faux messie, puis le rejoindra. Donc il y a des gens qui vont aller, pensant. Nous demandons à Allah de nous protéger de son épreuve, ainsi que tous les musulmans. Et ça, c'est demandé en vérité, donc c'est une qaïda pour toute chose, de ne pas aller chercher, le niqash gratuit avec les gens de la bid'a, ou de ne pas commencer à dire je vais écouter et je vais prendre ce qui est bien et je vais délaisser en général ce qui est mal pour justement ne pas se retrouver. Donc c'est ça en vérité. Donc c'est le même principe, de s'éloigner donc des gens qui mélangent le faux du vrai afin de ne pas tomber dans le piège. Donc les gens de façon générale n'ont pas la science suffisante pour savoir où est le vrai, où est le fait. Où est le vrai, où est le faux. Si on dit je vais chez lui, je prends le vrai et je délaisse le faux, c'est que tu as déjà des bases de départ. Comment tu as fait? C'est que tu as beaucoup étudié pour pouvoir savoir si où est le vrai ou le faux. C'est pas n'importe qui discerne. Donc si tu as beaucoup de bases, donc tu es sûrement même peut-être plus savant que la personne chez qui tu voudras prendre la science. Donc alors, que vas-tu prendre de chez lui? Je pense pas. Donc il faut que alhamdoulilah, le vrai existe chez les gens du vrai, chez les ulama qui sont connus. Cela suffit donc largement et amplement. Donc Ibn Hussein radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc min sami'a abid dajjal فَلْيَنَّ مِنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أو لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ. Donc il redit une deuxième fois. Donc celui qui entend dire que le faux messie est là, qu'il s'éloigne de lui par Allah, l'homme ira à sa rencontre pensant qu'il est croyant. Pourtant, il le suivra à cause des équivoques qu'il présentera, ou vu les équivoques donc, qu'il présentera. Non. Donc, voyez un peu. Après, il va accepter à Kulhan, donc c'est Shubhat. Lui, il pense être protégé, il va en face et il tombe en réalité dans le piège. Des versets qui montrent cela, qui parlent de Messah Dajjal. Donc, il y a des versets à Kulhan qui entre dans le sens. يَوْمَ يَأْتِي بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront. Donc certains signes par rapport à ça, donc le message d'Adjel. La foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait pas acquis aucun mérite de sa croyance. Donc qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Donc il y a des signes à Kulhal. Il y a des signes, donc même il y a des versets du Coran qui montrent cela, et dans le tafsir, on parle et on revient à Messah Dajjal. Même chose, lorsque Al-Azal récite, lorsque Al-Azal mentionne dans son rafel verset 57, et le verset qu'on a lu auparavant, donc c'est An'am 158, donc il dit La khalqu as-samawati wal-ard akbaru min khalqi an-nas. Donc, certes, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des gens. Et ça, c'est par rapport, toujours des gens dessinent ici, le faux messie. Citons ainsi donc une généralité pour désigner une particularité. Donc Abul-Aliya, radhiyallahu anhu, rapporte, c'est-à-dire plus grand que la création du faux messie lorsque les juifs le considérèrent. Donc le considérèrent. Et on a vu qu'il est petite taille, mais pour les gens il est grand, dans le sens il est important. On a bien vu hier sa taille. Donc les gens mais le considèrent pour quelqu'un en vérité donc de très important. Ibn Hajar dit donc celui, donc ceci, donc si cela confirme, est la meilleure des réponses, et cela fera partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc s'est chargé d'expliquer, et la science est auprès d'Allah. Par rapport à donc, l'explication de dire les gens, comme quoi ça veut dire en vérité donc Messie d'Ajjal. Donc le Coran n'a pas cité le faux Messie par mépris à son égard. Regardez ce que. Voilà, donc il continue en disant que en vérité c'est par mépris donc à son égard. Et ça c'est dans le fait toujours. Donc Ibn Hajar al-Asqalani donc dit ça. Car il prétendra à la seigneurie alors qu'il n'est qu'un humain, dont le cas est contraire à la majesté du Seigneur, sa grandeur, sa perfection et son exemption de défaut. C'est pour cela, étant si méprisable et insignifiant pour Allah, qu'il n'est pas cité. Toutefois, les prophètes ont mis en garde contre lui, ont montré son danger et son épreuve. Nous avons vu que chaque prophète avait mis en garde à sa communauté contre lui et contre son épreuve. Si on objecte que Pharaon a été cité dans le Coran, bien qu'il ait prétendu à la seigneurie et à la divinité, on dira que le cas de Pharaon est réglé et fini. Parce que dans le Coran, c'est bien écrit, donc sa mort. Hein? Son cas, il est réglé, il est fini. Et il a été cité comme leçon pour les gens, mais cela du faux Messie n'aura lieu qu'à la fin des temps. Ainsi, il n'a pas été cité pour que cela soit une épreuve, car sa prétention à la seigneurie est tellement manifeste qu'il ne mérite même pas que sa fausseté soit démontrée. En effet, l'imperfection et le blâme du faux Messie sont évidents. Il est plus insignifiant et inférieur au rang auquel donc, il prétend. Alors Allah ne l'a pas cité, vu qu'il sait que ses serviteurs croyants, que quelqu'un de tel ne leur fait donc pas peur, et ne leur ajoute donc de plus de foi et de soumission à Allah et de son messager. Et dans ce cadre, donc, que le jeune tuera le faux messie et répondra par Allah, je n'ai jamais été aussi clairvoyant à ton propos qu'aujourd'hui. En outre, une chose donc, peut-être, ne peut être pas citée lorsque celle-ci est claire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la maladie qui précéda donc, sa mort, renonça à consigner par écrit le droit du califat d'Abu Bakr al-Siddiq. Donc c'était clair que c'est Abu Bakr qui devait prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa succession. Car elle était manifeste, vu le haut rang d'Abu Bakr al-Siddiq auprès des compagnons. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, وَيَأْبَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. Donc mais Allah refuse de même que les croyants que cela soit autre qu'Abu Bakr. Ibn Hajar donc, cite toujours que la question de la citation du faux messie dans le Coran demeure, car Allah a bien mentionné Ya'juj et Ma'juj dans le Coran. Or leur épreuve est proche de celle du faux messie. Quoi qu'il en soit, il est probable que la première réponse soit la plus proche de la vérité, Allahu A'lam. Donc de ce fait, le faux messie fut cité indirectement dans certains versets, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est chargé de détailler ces généralités. Donc toujours ça, c'est par rapport à, on va dire, Mu'jizat al-Qur'an. Sa mort. Donc ici, Isa ibn Maryam, sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui tuera le faux messie, comme l'indiquent les hadiths authentiques. Le faux messie qui manifestera donc sur la terre entière, sauf la Mecque et Médine. Il sera partout. Donc ses partisans seront nombreux et son trouble donc, va se propager. Seule une minorité parmi les croyants y échappera. C'est à ce moment que Isa ibn Maryam descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas. Donc les serviteurs croyants d'Allah se regrouperont autour de lui et il les guidera à la recherche du faux messie. Lors de la descente de Isa, le faux messie donc se dirigera du côté des temps éloignés de Jérusalem. Isa le rattrapera auprès de la porte de l'Oud, hein, Beb l'Oud, et lorsque le faux messie le verra, il fondra tel le sel dans l'eau. Isa, alayhi salam, lui dira, j'ai un coup donc à tassonner, auquel tu n'échapperas pas, donc il le rattrapera et le tuera de sa lance. Les partisans seront mis en déroute et les croyants les poursuivront et les tueront à tel point que l'arbre et la pierre diront aux musulmans, aux adorateurs d'Allah, voici un juif derrière moi, viens le tuer, sauf l'arqad, qui est un arbre des juifs, qui était à l'époque donc au Baqir carrément. C'était un arbre qui existait donc à Médine aussi, dans le cimetière d'El Baqi, près de Mejnun Nabawi. C'est pour ça qu'on l'appelle El Baqi, El Arqad. Et donc c'est un arbre qui est chez eux. Donc Jum'a ibn Jari al-Ansari rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Yaqtulu ibn Maryam ad-Dajjala bi bab al-Lud. Donc le fils de Maryam sera tué par le faux messie à la porte de Lud. Et An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu, dans son long récit concernant le faux messie, la descente de Issa et le fait qu'il tuera donc le faux messie. Donc après, donc il y a après donc la suite logique, c'est donc par rapport à la descente de Issa. Donc Jabir ibn Abdillah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc le faux messie sortira à un moment de faiblesse de la religion et d'éloignement du savoir. C'est alors que descendra Issa ibn Maryam alayhi salatu wa sallam qui criera au matin aux gens: qu'est-ce qui vous empêche d'aller combattre le menteur ignoble? C'est un homme démoniaque, répondront-ils. Ils partiront et verront qu'il s'agit donc de Issa ibn Maryam. On fera l'appel à la prière et on lui dira: avance ô esprit émanant d'Allah, et lui de répondre: que votre imam s'avance et dirige votre prière. Après avoir accompli la prière du soubh, ils iront à sa rencontre, et lorsque le menteur le verra, il le dissoudra tel le sel dans l'eau. Il ira vers lui et le tuera à tel point que l'arbre et la pierre crieront donc ô esprit émanant d'Allah, voici un juif ainsi, donc il ne laissera aucun de ceux qui le suivront sans le tuer. Après sa mort, qu'Allah le maudisse, sa grande épreuve prendra fin. Allah Azzawajal donc épargnera de son mal et du mal de ses partisans ceux qui ont cru par le biais de l'esprit émanant d'Allah et sa parole est récente, et ses partisans les croyants. Et Allah Azzawajal donc la louange et la grâce. Et on sait qu'après cette épreuve-là, les musulmans, avec donc la rahma, donc la rahma aussi, le calme et l'akhiri, donc ils vivront bien avec la baraka, juste après cela, donc après justement, parce qu'on sait que innama al-usri al-yusra. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juste deux minutes. Donc il y a un projet. Barakallahu fikum. Donc par rapport toujours à l'association que vous connaissez sûrement, donc l'ASCM, ASNAM. SEM, donc 42, l'association socioculturelle éducative musulmane de la Loire. Donc ils ont un projet. C'est un projet ici, donc ils ont retrouvé un terrain de 10 000 mètres carrés. Donc 10 000 mètres carrés, c'est quelque chose qui est énorme. Inch'Allah, donc il peut avoir un terrain, un grand parking, là. Donc pour que les gens, si les gens ont l'idée, la mosquée d'Aulnay, à Paris, qui est très grande, donc déjà c'était déjà 4 000 mètres carrés, avec la mosquée en elle-même. Donc j'imagine 10 000 mètres carrés, donc c'est énorme. C'est 100 mètres sur 100, c'est bien ça. 10 000 mètres carrés, ça fait 100 mètres sur 100. Je me trompe ou pas? Ça? Donc c'est beaucoup. Donc c'est un terrain de 10 000 mètres carrés, donc c'est pour en vérité une mosquée et en même temps une facilité de pouvoir accueillir à la Kulihal, donc les gens tout le temps. Et donc voilà, donc ici c'est bien écrit 250 000. Donc simplement on demande à Allah Azzawajal de faciliter afin que les gens en vérité donc, qui peuvent faire donc, des dons fisabilillah Azzawajal le fasse. Hein? Donc il y a des fonds, alhamdoulilah, c'est l'argent qu'on nous a donné, qu'on n'oublie pas justement donc d'aider. Parce que le mail se divise en deux. Généralement, les gens qui ont de l'argent, donc ils se disent, moi j'ai une partie, je le protège. Je le garde pour mes enfants. Donc le mail est mu'akhar. Et il y a le mail est muqaddam. C'est l'argent qui sera donné fisabilillah pendant ta vie. Et il est considéré auprès d'Allah Azza wa Jalla meilleur que l'argent que tu as laissé pour tes enfants. Parce qu'il est mu'akhar. Et tu ne sais pas ce que tes enfants pourront faire avec déjà. Parce que là, il va t'aider toi plus qu'autre chose. Donc il est considéré donc, comme meilleur. Et à la Kulihal, donc c'est pour aider. Parce que c'est vrai que s'il y a ça, et que c'est des frères que l'on connaît qui tiennent ça, ça peut être qu'un rêve d'avoir justement nos endroits, afin que tout soit facilité. Et ça permet aussi de ne pas à chaque fois donc, repayer des salles, avoir des frais, ceci, cela, parce qu'au bout de 5-10 ans, ça y est, ça sera des sommes qui partiront. Dora et mia, donc ça coûte un peu. Donc tout simplement, donc de façon générale, celui donc, qui pourrait faciliter, donc celui dont Allah a la facilité à combler de bienfaits, qu'il aide donc ses frères, Fisabilillah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.